Chapitre 18e. Le revers de la médaille. Il était plus de 2 heures du matin, et le jour fixé pour le mariage d'Edward Arundel allait bientôt poindre, lorsque Paul Marchmont arrêta son cheval devant la porte blanche qui séparait le jardin du Major Lawford de la grande route. Il n'y avait ici ni loge ni prétention à la grandeur. Un jardin à l'ancienne mode entourait une maison en briques rouges construite à l'ancienne mode. Il y avait un verger d'un côté de la porte blanche et basse, et un jardin avec une pelouse et un vivier de l'autre. L'allée des voitures faisait le tour d'un perron de quelques marches, au pied duquel se trouvait une grande porte ayant une étroite fenêtre de chaque côté. Paul descendit de cheval à la porte et entra, en tirant l'animal par la bride. Il était cockney de cœur et d'âme, et n'avait de goût pour aucune des jouissances qui n'étaient pas du genre cockney. Aussi le cheval qu'il avait choisi pour lui n'était nullement une bête fringante. Il aimait beaucoup d'os et fort peu de sang dans le coursier qu'il montait. Il se contentait de ce bon petit trot confortable de 7 000 à l'heure sur les pitoyables routes de la province. Il y avait une rampe de poteaux en bois réunie par des chaînes de fer sur les deux côtés du seuil de la porte. Paul attacha la bride du cheval à l'un d'eux et monta l'escalier. Il tira une sonnette qui fit grand bruit dans la maison, au milieu du calme de la nuit d'été. Tout le long du chemin, il avait regardé à droite et à gauche, s'attendant à passer à côté d'Olivia, mais il ne l'avait pas rencontrée. Cela ne signifiait rien cependant, car il existait une foule de chemins latéraux par lesquels elle pouvait venir de Marchmont Towers à Lawford Range. « En tout cas, je dois être arrivé avant elle, » se dit Paul Marchmont, en attendant patiemment qu'on répondît au coup de sonnette. Le temps lui sembla très long, naturellement, mais à la longue, il vit une lumière briller à travers les fenêtres de la maison, et il entendit un bruit de sabbat dans le vestibule. Ensuite, la porte fut ouverte très prudemment, et la figure effrayée d'une femme se montra à M. Marchmont dans l'entrebâillement. « Qu'y a-t-il ? » demanda la femme d'une voix peu rassurée. « C'est moi, M. Marchmont, de Marchmont Towers. Votre maître me connaît. M. Arundel est ici, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, et Mrs. Arundel aussi, mais ils sont tous couchés. Peu importe, il faut que je voie le Major Lawford de suite. » Mais ils sont tous couchés. Peu importe, vous dis-je, ma bonne femme, il faut que je le voie. Et demain matin, ne serait-ce pas la même chose? Il est près de 3 heures. Demain, l'aînée, notre demoiselle, se marie, et tout le monde est couché. Il faut que je voie votre maître. Allons, ma bonne femme, faites ce que je vous dis. Allez éveiller le major, sans faire de bruit, et dites-lui que j'ai à lui parler sur le champ. La femme, avec la chaîne de la porte, toujours entre elle et M. Marchmont, examina timidement la figure de Paul. Elle avait assez souvent entendu parler de lui, mais elle ne l'avait jamais vu. Il doutait un peu de son identité. Elle savait que les voleurs ont recours à toute espèce de ruse dans leur fâcheux métier. Cette demande d'introduction dans la maison, au cœur de la nuit, ne pouvait-elle pas n'être qu'une conséquence de quelques projets funestes, contre les cuillères et les fourchettes, et cette urne héréditaire en argent avec des têtes de lion, tenant dans leur gueule des anneaux en guise d'armes, dont la renommée avait sans doute circulé dans tout le Lincolnshire. M. Marchmont n'avait ni masque noir ni lanterne sourde, et aux yeux de Martha Philpott, c'était là des attributs essentiels du vrai voleur, mais il pouvait avoir de mauvaises intentions quand même, et il valait tout autant prendre ses précautions. « Je vais aller faire votre commission, » dit la discrète Martha poliment, « mais peut-être cela vous est illégal que je n'ôte pas la chaîne. Ce n'est pas comme si nous étions en hiver, » ajouta-t-elle d'un ton d'excuse. « Vous pouvez fermer la porte, si vous voulez, » répondit Paul. « Seulement dépêchez-vous, éveillez votre maître. Vous pouvez lui dire que je demande à le voir pour une affaire très sérieuse. » Martha s'éloigna, et Paul resta sur les marches en pierre, attendant son retour. Chaque moment était précieux pour lui, car il voulait devancer Olivia. Sa seule idée était qu'elle viendrait tout droit à la grange voir Edward Arundel, à moins que par le fait elle ignorât où il était. Tout à coup, la lumière reparut aux étroites fenêtres, et cette fois le pas d'un homme retentit dans le vestibule d'allée. Cette fois aussi Martha ôta la chaîne et ouvrit la porte assez large pour livrer passage à M. Marchmont. Elle ne craignait plus les voleurs, maintenant que le vaillant major était derrière elle. « M. Marchmont, » s'écria le vieux soldat, ouvrant une porte par laquelle on pénétrait dans un petit cabinet, « vous m'excuserez si je parais un peu surpris de votre visite. Quand un vieux soldat comme moi est éveillé au milieu de la nuit, on ne peut guère s'attendre à ce qu'il ait tout d'abord toute sa présence d'esprit. Martha, apportez-nous de la lumière. Asseyez-vous, M. Marchmont. Voilà une chaise à côté de vous. Maintenant, puis-je vous demander le motif? Le motif de ce brusque dérangement pour vous? La circonstance qui m'amène ici est très pénible, mais je crois que ma visite pourra vous éviter à vous et aux vôtres beaucoup d'ennuis. Nous éviter beaucoup d'ennuis, réellement, mon cher monsieur, vous... Je vous intrigue pour le moment, sans doute, dit Paul avec douceur. Mais si vous voulez m'accorder un peu de patience, Major Lawford, je crois pouvoir vous expliquer tout très clairement. Trop clairement, hélas. Vous avez entendu parler de ma parente, Mrs. John Marchmont, la veuve de mon cousin. Oui, répondit le major gravement. Les noires médisances qui avaient circulé sur le compte de la malheureuse Olivia Marchmont lui revinrent à l'esprit en entendant son nom, et le souvenir de ses affreux cancans assombrit sa franche figure. Paul attendit pendant que Martha apportait une lampe fumeuse dans la mèche à demi éteinte et était envahie par l'huile qui montait. Ensuite, il continua d'une voix calme, dépourvue d'émotion, qui ressemblait à la voix d'un chrétien bienveillant bien au-dessus des douleurs de son prochain, mais plein de pitié néanmoins pour l'humanité souffrante. « Vous avez entendu parler de ma malheureuse cousine. Vous avez sans doute appris qu'elle est... folle. » Sa voix se changea en un murmure si faible qu'il eut l'air de ne prononcer ce dernier mot qu'à l'aide de ses lèvres minces et flexibles. « J'ai entendu répéter quelques bruits de ce genre, » répondit le major. « C'est-à-dire que j'ai su que Mrs. John Marchmont est devenue, dans ces derniers temps, excentrique dans ses habitudes. » « J'ai eu la pénible tâche d'assister à la lente décadence d'une très puissante intelligence, » continua Paul. « Quand je vins pour la première fois à Marchmont Towers, à l'époque de la malheureuse fuite de ma cousine Mary avec M. Arundel, cette décadence mentale avait déjà commencé. » Déjà, le cercle d'idées d'Olivia Marchmont en était réduit à une pensée dominante et monotone qui faisait son œuvre fatale. Ce fut ma destinée de découvrir la cause de cette triste ruine morale. Ce fut ma destinée de reconnaître promptement la nature de cette pensée absorbante qui, peu à peu, s'était changée en monomanie. Le major Lawford regarda son visiteur bien en face. C'était un homme au franc-parler et il avait de la peine à voir clair dans l'obscurité de toutes ces belles paroles. « Vous voulez dire que vous avez trouvé ce qui avait rendu folle la veuve de votre cousin ?» dit-il brusquement. « Vous me posez la question très carrément, Major Lawford. »« Oui, j'ai découvert le secret de la malheureuse situation d'esprit de mon infortunée parente. »« Ce secret consiste en ceci. »« Pendant les 10 dernières années, Olivia Marchmont a nourri un amour sans espoir pour son cousin, M. Edward Arundel. » Le major bondit presque sur ses pieds d'horreur et de surprise. « Bonté divine !» « Vous me surprenez, Monsieur Marchmont, et assez désagréablement. »« Je ne vous aurais jamais révélé ce secret à vous ou à toute autre personne vivante, Major Lawford, si les circonstances ne m'y forçaient. »« En ce qui concerne Monsieur Arundel, je puis vous rassurer, il lui a plu de m'insulter très grossièrement. »« Mais oublions cela. Je dois lui rendre cette justice que je le crois dans une ignorance complète de la situation d'esprit de sa cousine depuis que cette situation existe. »« Je l'espère, monsieur. » « Morbleu, oui, je l'espère !» s'écria le major avec une certaine animation. « Si je pensais que ce jeune homme se fût fait un jeu de l'affection de cette dame, si je pensais, il n'est pas nécessaire de penser, quoi que ce soit au détriment de M. Arundel, » répondit Paul avec une calme politesse, « si ce n'est qu'il a la tête chaude et qu'il est entêté et irréfléchi. C'est un jeune homme qui a d'excellents principes, et il ne s'est jamais douté du motif secret de la conduite de sa cousine envers lui. » « Je suis un assez fin observateur, aimant un peu à étudier la nature humaine, et j'ai observé cette malheureuse femme. Elle aime et a aimé son cousin Edward Arundel, et sa nature est une de ces natures concentrées chez lesquelles une grande passion frise de près la monomanie. C'est cette affection sans espoir d'être au pays de retour qui a aigri son caractère et a fait d'elle une méchante belle-mère pour ma pauvre cousine Mary. Pendant longtemps, cette pauvre femme a été très tranquille, mais sa tranquillité n'était qu'un calme trompeur. Ce soir, la tempête a éclaté. Olivia Marchmont a entendu parler du mariage qui doit avoir lieu demain, et pour la première fois, sa folie mélancolique s'est changée en violence complète. Elle est venue à moi et m'a attaqué au sujet de ce mariage projeté. Elle m'a accusé d'avoir intrigué pour donner à Edward Arundel une autre femme. Puis, après s'être épuisée en un torrent d'invectives passionnées contre moi, contre son cousin Edward, contre votre fille, contre toutes les personnes que concerne la cérémonie de demain, cette malheureuse femme s'était lancée hors de la maison, furieuse de jalousie et déclarant qu'elle ferait quelque chose, n'importe quoi, pour empêcher la célébration de ce second mariage d'Edward Arundel. « Au ciel !» s'écria le major. « Et vous supposez que... » « Je suppose qu'il est difficile de savoir ce que peut ne pas tenter une folle rendue furieuse par une jalousie qui, à elle seule, est presque aussi terrible que la folie. » Olivier Marchmont a juré d'empêcher le mariage de votre fille. Que n'ont pas fait de malheureuses créatures dans l'état où se trouve cette femme? Chaque jour, nous lisons des choses de ce genre dans les journaux, des actes horribles qui glacent le sang dans nos veines, et nous nous étonnons que le ciel permette de semblables misères. Ce n'est pas un motif frivole qui m'amène ici au cœur de la nuit, Major Lawford. Je viens vous dire qu'une femme désespérée a juré d'empêcher le mariage de demain. Dieu seul sait ce qu'elle peut faire dans sa rage jalouse. Elle peut s'attaquer à votre fille. » La figure du père devint pâle. Sa Linda, son enfant chéri, exposée à la fureur d'une folle. Il se figurait la scène. La belle jeune fille se serrant contre son prétendu et la désespérée Olivia Marchmont fondant sur elle comme une tigresse furieuse. « Par pitié, dites-moi ce que je dois faire, monsieur Marchmont, » s'écria le major. « Que Dieu vous bénisse, monsieur, pour être venu me prévenir. Mais que faut-il que je fasse? Que me conseillez-vous? Retarderons-nous le mariage? » « En aucune façon. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tenir cette malheureuse femme à l'écart. Fermez-lui votre porte. Ne la laissez entrer ici sous aucun prétexte. Faites célébrer le mariage une heure plus tôt que vous n'en aviez l'intention, si cela vous est possible, et activez le départ des mariés pour la première étape de leur excursion matrimoniale. Si vous voulez éviter tout l'ennui d'un scandale, prenez vos mesures pour ne pas voir cette femme. « Je les prendrai, je les prendrai. » répondit le major égaré. « C'est une affreuse situation. Ma pauvre Belinda, son jour de mariage, et une folle essaierait. Ma parole, monsieur Marchmont, je ne sais comment vous remercier de la peine que vous avez prise. Ne parlons pas de cela. Cette femme est la veuve de mon cousin. Tout tombe pour elle est un chagrin pour moi. Évitez de la voir. Si par hasard, elle parvient à pénétrer jusqu'à vous, faites la sourde oreille à tout ce qu'elle pourra vous dire. Elle m'a effrayé ce soir par ses extravagances. Tenez-vous prêt à tout entendre de sa bouche. Elle est hantée par toute espèce d'illusion, ne l'oubliez pas, et elle peut vous affirmer les choses les plus ridicules. Il n'y a pas de limite à ses hallucinations. Elle vous proposera peut-être de faire sortir de la tombe la femme d'Edward Arundel, mais pour rien au monde, vous ne la laisserez arriver jusqu'à votre fille. Non, non, pour rien au monde, ma pauvre Belinda. Je vous suis très reconnaissant, monsieur Marchmont, pour cet avertissement. Vous allez rester ici le reste de la nuit. Les lits de Martha sont toujours prêts. Vous occuperez la chambre que nous avons de libre jusqu'à demain matin. Vous êtes très bon, Major Lawford, mais il faut que je parte immédiatement. Rappelez-vous que j'ignore complètement où peut être allée ma malheureuse parente à cette heure de la nuit. Elle est peut-être retournée aux Towers. Sa fureur jalouse a peut-être cessé, et en ce cas j'ai exagéré le danger. Mais quoi qu'il en soit, il valait mieux vous prévenir. « Sans aucun doute, mon cher monsieur, je vous remercie de tout cœur, mais prenez quelque chose, du vin, du thé, du grog, et... » Paul avait déjà pris son chapeau et s'était dirigé vers le vestibule. Il n'y avait aucune affectation dans son empressement à s'éloigner. Il jetait de temps en temps un regard inquiet vers la porte, tandis que le major cherchait à le retenir en lui offrant l'hospitalité. Il était très pâle, et ses traits hagards, d'une pâleur terreuse, trahissaient son anxiété en dépit du calme de ses manières. « Vous êtes très bon. »« Non, je partirai immédiatement. J'ai fait mon devoir ici. Il faut que j'essaie maintenant de faire ce que je pourrai pour cette malheureuse femme. »« Bonsoir. »« N'oubliez pas de lui fermer votre porte. » Il détacha la bride de son cheval, se mit en selle et s'éloigna lentement, aussi longtemps que le bruit des sabots de sa monture pouvait être entendu de la grange. Mais quand il fut à un quart de mille de la maison du major Lawford, il mit son cheval au galop. Il n'avait pas d'éperon, mais il se servait vigoureusement de sa cravache et l'allait rapidement le long d'un étroit sentier à profonde ornière. Il parcourut une distance de 15 milles et les lueurs grises du matin apparaissaient déjà lorsqu'il arrêta son cheval à une porte en mauvais état qui donnait accès dans la grande cour vide d'une ferme inhabitée. La maison n'était plus louée depuis des années et les terres étaient à la charge d'un journalier au nom de M. Marchmont. Le journalier vivait dans un cottage à l'autre extrémité de la ferme, et Paul avait fait élever de nouvelles constructions avec des charpentes et un attirail compliqué de machines à drainer les terrains des bas-fonds. C'était ainsi que la vieille ferme et sa basse-cour tombaient en ruine. Les porcheries vides, les granges vides ainsi que les hangars, La paille pourrie et les mares où l'eau croupissait faisaient de cette cour l'abomination de la désolation. Paul Marchmont ouvrit la porte et entra. Il se fraya un chemin avec prudence à travers la boue et le fumier, menant son cheval par la bride jusqu'à un hangar où il attacha la bête. Puis il traversa la cour, souleva le loquet rouillé d'une étroite porte en bois percé dans un mur en plâtre, et entra dans une petite cour pavée où une seule poule picorait en toute liberté. Une herbe longue croissait dans les interstices des pavés. La poule fit entendre un gloussement et s'envola dans un coin à la vue de Paul Marchmont. Il y avait quelques huttes à lapins inoccupées, un pigeonnier vide, un chenil et une chaîne brisée qui se rouillait dans une flaque d'eau, mais pas de chien. Cette cour, située sur le derrière de la maison, était dominée par une rangée de fenêtres à volets dont les uns étaient fermés et les autres se balançaient au vent comme s'ils avaient voulu se mettre en pièces par pur désœuvrement. M. Marchmont ouvrit une porte et entra dans la maison. Il y avait des celliers et des gardes-mangers, des laiteries, des cuisines à droite et à gauche, mais tout était vide. Les rats et les souris se réfugièrent dans leurs trous au bruit des pas de l'envahisseur. Les araignées se promenaient sur les murs détériorés par l'humidité, et les toiles dérangées tombant lentement du plafond crevassé venaient frôler la figure de M. Marchmont. Plus avant, dans l'intérieur de cette sombre habitation, Paul trouva une grande cuisine dallée au bout de laquelle était une grille rouillée, où un minimum de flammes cherchait faiblement à se dégager d'un maximum de fumée. Une porte de four ouverte laissa voir une caverne noire. Il suffisait de regarder cette porte rouillée avec son loquet ou démanché pour comprendre aussitôt qu'elle ne servait à aucun usage. Les champignons pâles et maladifs avaient poussé en groupe dans les coins du foyer humide. Les araignées et les rats, l'humidité et les toiles d'araignée, tous les signes par lesquels la ruine annonce qu'elle s'empare des maisons abandonnées par l'homme, apparaissaient dans cette demeure désolée. Paul Marchmont regarda autour de lui avec un frisson dédaigneux. Il appela « Mrs. Brown ! Mrs. Brown !» trois ou quatre fois, attendant une réponse après chaque appel, mais il n'en entendit point et pénétra dans une autre chambre. Ici, du moins, il y avait un piètre semblant de confortable. La chambre était sur le devant de la maison et la fenêtre basse à persienne avait vue sur un jardin négligé où de grandes digitales dressaient leurs têtes éclatantes parmi les herbes. Au bout du jardin, il y avait un grand mur en briques contre lequel se dressaient des poiriers en espalier et où des serpenteaux et des giroflées se balançaient à la brise du matin. Un lit vide se trouvait dans cette chambre. Près de la fenêtre était un fauteuil et à côté une petite table sur laquelle se voyaient toutes les pièces d'un jeu d'échecs indien. Sur le lit étaient quelques vêtements éparpillés, comme si on les y eût jetés récemment, et sur le plancher, auprès de la cheminée, on apercevait des débris de jouets d'enfants. Une petite trompette achetée quelquefois de village, une écuelle et un cheval cassé. Paul Marchmont examina tout cela d'un air un peu intrigué tout d'abord, puis avec une crainte vague qui augmenta encore la pâleur de sa figure. « Mrs. Brown » s'écria-t-il d'une voix forte en traversant la chambre et en s'approchant d'une porte intérieure. Cette porte s'ouvrit avant que Paul y fût arrivé et une femme parut. Elle était grande, avait une figure dure et sombre et ses bras nus étaient hâlés. « Au nom du ciel, où vous êtes-vous caché ?» s'écria Paul avec impatience. « Et où est votre malade ?»« Parti, monsieur. »« Parti, parlez où ?»« Avec sa belle-mère, Mrs. Marchmont, il n'y a pas plus d'une demi-heure. » Comme c'était votre désir que je reste la dernière ici pour nettoyer, je suis resté, monsieur. Mais j'ai pensé qu'il aurait mieux valu pour moi être allé avec. » Paul saisit la femme par le bras et la tire vers lui. « Êtes-vous folle ? » s'écria-t-il avec un juron. « Êtes-vous folle ou ivre ? Qui vous a autorisé à laisser partir cette femme ? Qui ?» Il ne put finir sa phrase. Son gosier se dessécha et il éprouva de la peine à respirer, tandis que tout le sang de son corps afflua vers son front gonflé. « Vous avez envoyé Mrs. Marchmont chercher ma malade, monsieur ?»« C'est qu'à la femme, paraissant effrayée, vous l'avez envoyée, n'est-ce pas, monsieur ? Elle l'a dit, du moins. »« C'est une menteuse, et vous êtes une imbécile ou une fourbe. Elle vous a payé, je suppose. Ne pouvez-vous parler ?»« La personne que j'ai placée sous votre garde, que vous étiez payée et bien payée pour garder, l'avez-vous laissée partir ? Répondez à cette question. »« Oui, monsieur, je l'ai laissée partir, » balbutia la femme. Elle était grosse et robuste, mais il y avait quelque chose dans la figure de Paul Marchmont qui l'effrayait quand même, attendu que c'était par votre ordre. Voilà qui est fait, s'écria Paul Marchmont, levant la main et regardant la femme avec un sourire effrayant. Voilà qui est fait. Vous m'avez ruiné, entendez-vous ? Vous avez défait une œuvre qui m'a coûté. Oh mon Dieu ! Pourquoi perdre mon temps à parler à une créature comme celle-ci? Tous mes complots, mes difficultés, mes luttes, mes victoires, mes longues nuits sans sommeil, mes mauvais rêves ont abouti à quoi? À ceci, à la ruine complète causée par une femme folle. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et s'appuya sur la table, éparpillant avec son coude les pièces du jeu d'échecs indien. Il ne pleura pas. Ce soulagement, quelque terrible qu'il soit pour une poitrine d'homme, lui fut refusé. Ce gémissement sans énergie ressemblait à peine à la plainte d'un homme. C'était plutôt l'expression triste et impuissante de l'angoisse d'une bête. Il faisait l'effet du hurlement d'un chien battu.